C'est comme ça, on en a rien à foutre de tes secrets. On baisse, on jette, on baise et on jette. Tu connais pas la limitation de vitesse. Toi t'as dépassé tout le monde en kilomètres. Tu te la pètes, tu joues la starlette. Mais reine ça, tu tapes direct dans la cesse. Big up à toutes les serres qui sont sérieuses. Hey, mix à Rastreamer qui ont les mini-jeux jusqu'à la roue de la moustache. Qui drague des mecs avec des cigares, une grosse moustache, une grosse caisse. Hey, big up à toutes les meufs qui sont sérieuses avec leur chérie. Nix à mer les meufs qui font cocu, coquillage. Pas de plage, ramène-la pas la mer. Jette-la de la haute la selle. Hey, c'est Morsal, toujours avec sa grande femme. Qui fait mieux, qui fait mieux? Sortez les billets, c'est soirée disco. On va ramener toutes les crasseuses, on va tous les tartiner. Hey, big up à toutes les meufs sérieuses. Hey, un grand respect aux meufs mariées, à ceux qui restent chez eux, qui font la vaisselle, qui font un repas. Hey, les autres, les biatchs là, qui ne savent pas faire la vaisselle, à manger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des gros caca dans leur slibar. Slibar, retourne pas ta veste, mange un caramba. Aïe, Morsai, c'est serré! Morsai, l'argent t'en a déjà pris.